Exercice 8, page 100. A. C'est correct. Transformer. C'est incorrect. B. C'est possible. Transformer. C'est impossible. C. C'est probable. Transformer. C'est improbable. D. Il est prudent. Transformer. Il est imprudent. E. Il est patient. Transformer. Il est impatient. F. Il est puissant. Transformer. Il est impuissant.